Second chapitre. La Bretagne. Ce nom qui avait éclaté tout à coup dans sa pensée avait éclairé Emmanuel sur la cause de son profond ennui. Il était certainement heureux, il était aimé, choyé, câliné, mais les gâteries ne pouvaient l'empêcher de trouver les jours monotones, de s'ennuyer à en prendre en dégoût et le luxe qui l'entourait et les distractions qu'on lui donnait et jusqu'à l'étude qu'il avait tant aimée. Il se demandait souvent d'où pouvait lui venir la sensation de désœuvrement qu'il éprouvait avec des journées aussi occupées que les siennes. Dès son arrivée, M. Siegfried avait élaboré un programme approuvé sans conteste par Madame Thouvenin et dont il ne s'était pas écarté un seul instant, en dépit des mauvais plaisants d'après lesquels un programme est spécialement fait pour n'être pas suivi. Tout y était réglé d'avance, il n'y restait pas la moindre place pour la flânerie ou pour l'imprévu. C'était aussi rigoureux que le fameux programme de la Podnaspery, d'après Dickens. Lever à telle heure, toilette, déjeuner, étude, redéjeuner, promenade, étude, dîner, lecture ou amusements instructifs, coucher, et le lendemain lever à telle heure, etc. La règle monastique est à peine aussi rigide. Emmanuel ne se plaignait pas. Il était doux, docile, bien élevé. Seulement, il souffrait de la longueur des journées. En même temps qu'il s'était écrié « La Bretagne !», il avait vu s'élever devant lui un riant fantôme qui lui faisait signe et lui montrait les années écoulées avec leurs jours si courts, leurs heures si gaies, bien que presque toutes données au travail. Ce qui lui manquait, il le savait maintenant, c'était l'attrait que Jacquette savait donner à l'étude, devenue aride avec M. Siegfried. C'était l'opportunité du repos ramené, non à une heure fixée d'avance, mais au moment où la lassitude le faisait désirer, les longs entretiens coupés de rires, si pleins d'enseignements malgré leur ton enjoué, l'ordre sans rigidité, le calme de l'esprit dispos, ce calme que détruisent la fatigue et la contrainte. Ce qui lui manquait, c'était une tendresse plus sérieuse et surtout plus assidue que celle de sa mère et, dans le dévouement, quelque chose de plus abandonné, de moins voulu que chez M. Siegfried. Ce qui lui manquait, c'était Jacquette. Il se complaisait dans la pensée qu'il allait connaître le pays où elle était née, la terre de granit recouverte de chênes qu'elle lui avait peinte si belle dans son austérité. Les souvenirs lui arrivaient en foule et, au fond, tout au fond du plaisir qu'il se promettait d'un voyage en Bretagne, s'éveillait le puéril espoir de rencontrer Jacquette. Où ? Il ne savait pas, mais bien sûr, quelque part, au milieu d'une lande, sur le bord de la mer ou bien au fond d'une de ces mystérieuses retraites dont l'imagination populaire a fait la demeure des fées. Pendant qu'il roulait sur la ligne de Paris à Nantes, il faisait de beaux rêves qui se terminaient tous par l'installation définitive de Mademoiselle Cavaron dans la famille. Les yeux fermés, il suivait ses songes sans s'inquiéter du chemin parcouru, dans une immobilité qui ressemblait au sommeil. Siegfried dormait, lui, à point fermé, ses nerfs ne le gênant pas plus en chemin de fer qu'ailleurs. Madame Thouvenin suivait distraitement par la portière la ronde des arbres, des palissades, des maisonnettes et des nuages. Elle ne pouvait dormir, mais peu lui importait. Ses toilettes de plage étaient ravissantes, ses toilettes de casino très artistiques. Son costume de voyage lui allait à merveille, et le lendemain, elle était sûre de retrouver la vie mondaine et ses plaisirs avec ce je ne sais quoi de piquant qui ajoute la liberté de la vie des plages et des villes d'eau. 6 heures du matin. Les voyageurs ne dorment ni ne rêvent. Ils font de vains efforts pour s'empêcher de grelotter, tout pâle de la fatigue de la nuit, à l'exception de Siegfried, dont le teint rose ne perd jamais sa fraîcheur. On est à Nantes, pourquoi ne descendrait-on pas ? Rien n'oblige à aller au croisic tout d'une traite. Quelques heures de repos ne seraient pas désagréables après une nuit passée en wagon. Monsieur Siegfried pense-t-il que Nantes soit de quelque intérêt pour Emmanuel? Il est convaincu que Nantes est d'un grand intérêt. Sa conviction est encore fortifiée par un appétit généralement robuste, excité par la fraîcheur matinale. Seulement, comme cette circonstance lui paraît d'un médiocre intérêt pour Madame Thouvenin, il la passe sous silence. Et le cher mignon, que pense-t-il d'un arrêt à Nantes? Il pense comme sa mère, toujours prêt à faire ce qu'elle désire, mais qu'il est bien réveillé. Il babille, on dirait qu'il a ouvert une histoire de Nantes et qu'il la lit, tant il est bien renseigné sur la vieille cité bretonne. Madame Thouvenin en elle-même fait honneur de cette érudition à Monsieur Siegfried, à qui elle cause une surprise aussi grande que celle de la jolie femme. Si Emmanuel était le maître, au lieu d'aller se reposer quelques heures dans un hôtel, on commencerait tout de suite la promenade dans la ville. Sa mère, plus sage, l'oblige à se coucher jusqu'au moment où la cloche annoncera le déjeuner. Quand les voyageurs descendent pour se mettre à table, le quai de la fosse, sur lequel est situé l'hôtel qu'ils ont choisi, est plein d'animation. C'est un beau dimanche d'été. De nombreux promeneurs vont et viennent. La gare regorge de monde. Les petits tramways qui vont de Doulon à Chantenay sont combles. Sur la plateforme, on voit à côté d'élégants chapeaux à la mode de Paris des coiffes de dentelle à fond plissé, non moins élégantes et quelquefois d'un plus grand prix. Elles sont portées par des artisanes ou des femmes de la campagne. Les dames de la ville ont abandonné cette antique coiffure. Madame Thouvenin est fort étonnée de rencontrer des tramways, et surtout des tramways mus par l'air comprimé, dans une ville de province. « Mais maman, dit Emmanuel, Nantes a eu des omnibus avant Paris. Celui qui a imaginé les omnibus était nantais, et c'est en 1825 qu'il a fait ici l'essai de ses voitures. »« Bon, bon, interrompt Madame Thouvenin, dans la crainte de voir revenir à ce propos le « c'est Jacquette qui me l'a appris ». Dont son fils manque rarement d'appuyer ses discours, ce qui l'agace outre mesure. Le temps est superbe. Devant la bourse, le marché aux fleurs embaumé du parfum des œillets et des roses ajoute sa gaieté à celle de ce beau dimanche. Siegfried choisit une voiture pendant qu'Emmanuel achète un bouquet pour sa mère et les voilà partis tous les trois à travers les rues de Nantes. Dès qu'on a quitté le quai de la fosse, toute animation disparaît. Les rues, presque vides, sont bordées de maisons grises qui ont l'air de s'ennuyer, affirme Emmanuel. La voiture s'arrête bientôt. Le cocher explique qu'on le retrouvera plus haut dans la rue Santeuil, après avoir traversé. C'est gravé qu'il faudrait dire, puisqu'il y a 52 marches à monter. Le passage Pomereille, dont les galeries sont ornées de statues et de médaillons représentant des Bretons célèbres. Cette première station de leur calvaire de touristes parcourus, les visiteurs remontent en voiture pour traverser la place royale ornée d'une fontaine en granit bleu de Rennes, pour passer devant le théâtre, descendre au cours Cambronne et remonter dans la rue Gralin, l'une des plus maussades de la ville et que les Nantais du High Life ont choisi comme promenade favorite malgré la proximité des parterres et des beaux ombrages du cours Cambronne. Jusque-là, l'intérêt est restreint. Ni la statue de Cambronne, représentée au moment où il tombe sous les balles à Waterloo, ni la phrase historique « la garde meurt et ne se rend pas » gravée sur le piédestal ne sont parvenus à l'éveiller. Monsieur Siegfried a retenu un moment son élève pour lui faire remarquer à quelle grandeur peut s'élever la simplicité du style lapidaire et combien la sobre dédicace à Cambronne, Nantes et l'armée est plus éloquente qu'une longue inscription louangeuse. Encore quitter la voiture? Madame Thouvenin déclare qu'il aurait autant valu n'en pas prendre. Cependant, elle met pied à terre. L'intérêt se relève pendant qu'on marche à l'ombre des magnolias en fleurs, dans l'avenue qui conduit à l'ermitage. Il faut visiter les îles Borromée pour trouver un aussi beau couvert d'arbres exotiques. Ceux-ci ont souffert du grand hiver de 1879-1880. Quelques-uns ont perdu des branches. Cependant, ils sont encore remarquables. Leurs grandes fleurs blanches, qui éclatent sous les feuilles lustrées, répandent un parfum suave, quoique trop pénétrant. On arrive à l'ermitage. C'est un quartier bâti sur une éminence d'où l'on voit se dérouler autour de soi la ville tout entière avec son port, ses faubourgs et ses ponts. Une statue de Sainte Anne s'élève au sommet d'un escalier qui descend au quai de la fosse. Tout le monde sait que le premier devoir d'un touriste accompli est de s'extasier sur le panorama quelconque à la contemplation duquel il est convié par son guide, de même que son premier soin est d'oublier tout ce qu'il a vu, de brouiller tous les noms qu'il a entendus. Madame Thouvenin n'eut garde de manquer à ce code du parfait touriste. Elle s'écria « Quelle horreur !» lorsqu'on lui montra, en face de l'embouchure de la Chésine, les bâtiments de l'entrepôt qui servirent de prison à Carrier. En cicérone bien appris, le cocher récita à cette occasion le passage suivant d'un écrivain breton qui eut son heure de célébrité, Émile Souvestre. Pendant plusieurs mois, 1000 victimes passèrent chaque jour de cette prison au fond de la Loire et dans les carrières de gigants où le comité révolutionnaire entretenait 300 fossoyeurs. Lorsqu'on fit ouvrir l'entrepôt en 1794, on y trouva par centaines des malheureux étouffés et morts de faim, des femmes dévorées par les rats, des squelettes d'enfants encore cramponnés aux squelettes de leur mère. « Quelle horreur !» répéta Madame Thouvenin. Le cocher montra un endroit sur la Loire. « C'était là, » dit-il, « que coulaient les bateaux à soupape dans lesquels Carrier et Lebon faisaient embarquer les prisonniers liés deux à deux en couple aussi mal assortis que possible. » C'était ce qu'ils appelaient des mariages républicains. Madame Thouvenin dit pour la troisième fois « Quelle horreur !» puis se borna à ponctuer d'un « Ah !» la nomenclature des îles et des ponts de Nantes. Deux jours après, elle ne se souvenait plus de rien que d'une fatigue mêlée d'ennui, ce qui ne l'empêchait pas d'écrire à une de ses amies « Nantes est une ville de ponts, de péristyles, de colonnes, de palais, une cité d'Italie perdue dans les vallées de la Bretagne, Venise, sauf le soleil et les gondoliers. » Toujours d'après le même Souvestre dont elle avait entendu tant de citations. Siegfried se faisait nommer tous les monuments, tous les quais, toutes les taches de verdure faites par les promenades au milieu des bâtiments gris. Il regardait longuement avec sa lorgnette chacun des points désignés, puis prenait des notes sur un carnet. On s'en retourna par la route qu'on avait prise pour venir. Le cocher fit alors remarquer les modestes demeures de ce quartier habitées par de pauvres gens et, désignant les criteaux placés au coin d'une rue, rue du Roi Baco, il dit en se tournant vers Emmanuel « Un roi nantais ». Dont le petit monsieur n'a sans doute pas entendu parler, quoiqu'à présent les enfants soient tous bien instruits. Il se trompait, car le petit monsieur racontait déjà à sa mère comment Baco, pauvre petit mousse orphelin, fit une si belle fortune au cours de ses voyages qu'il put bâtir tout un quartier afin de loger des matelots trop vieux pour reprendre la mer. Baco pourvoyait de ses deniers aux besoins de ces pauvres gens. Il les aidait aussi de ses conseils, apaisait leurs querelles, réglait leurs différends, prenait part à leurs plaisirs et s'était acquis tant de respect qu'on l'appelait familièrement le roi Baco. Le bonheur de ceux qui formaient sa cour avait fait envie à tant d'indigents qu'il en était venu de partout. Baco ne pouvant les loger, ils fondèrent à côté de la cour du roi Baco, comme on appelait alors l'ermitage, le quartier de la misérie. « C'est bien ce que racontent les anciens, » dit le cocher, « mais il paraît que ce n'est pas vrai. Des savants qui ont voulu se renseigner sur Baco ont découvert qu'il n'avait jamais été dans la misère et qu'il devait son surnom de roi à sa hauteur avec le pauvre monde. C'était par dérision, à ce qu'il paraît, qu'on appelait le quartier dans lequel il avait fait bâtir sa maison la cour du roi Baco. Il n'y a pourtant pas si longtemps que tout ça s'est passé, puisqu'il n'y a guère plus de 80 ans que Baco est mort. Emmanuel demanda à son précepteur ce qu'il pensait de ces deux histoires et laquelle des deux lui paraissait vraie. « La dernière, » affirma Siegfried, « l'autre est de la pure littérature. » Cette expression « de la littérature » prenait dans la bouche de M. Siegfried un sens tout particulier. Étant de ceux qui, après la lecture d'une poésie, demandent ce que cela prouve, il considérait la littérature comme une chose frivole, basée sur l'imagination seulement, et fort éloignée du fait scientifique. Un bon garçon, en somme, ce monsieur Siegfried, quoique un peu doctrinaire. Il compléta les renseignements sur René Gaston Baco, qui fut successivement avocat au Parlement, procureur du roi au siège du présidial de Nantes, député aux États généraux, maire de Nantes, directeur de l'Opéra de Paris, commissaire du gouvernement à la Guadeloupe, et dont le père et le grand-père prenaient dans les actes le titre de noble homme. Madame Thouvenin s'étonna qu'une légende eût pu s'accréditer sur un individu qui vivait presque de nos jours. « Tout à fait de nos jours, madame, » répliqua le précepteur, « puisque Baco mourut en 1800, âgé de 49 ans seulement. Son existence avait été fort agitée, à ce qu'il semble. Ce sont peut-être ses voyages à l'Île-de-France et à la Réunion qui donnèrent naissance à l'histoire racontée par Emmanuel. « Peut-être bien, » dit madame Thouvenin. Et comme on avait rejoint la voiture, on y remonta pour continuer la promenade. On longeait le quai de la Fosse. C'est là surtout qu'on sent combien le commerce de Nantes fut riche et puissant. Les vastes bâtiments de granit ornés de sculptures, qu'on voit à gauche en se dirigeant vers l'île de la Gloriette, n'appartenaient pas à de nobles seigneurs commensaux des princes et des rois. C'étaient les habitations des négociants nantais. C'est que Nantes était jadis un grand port dans lequel se concentrait presque tout le commerce avec l'Amérique. Elle recevait surtout des sucres bruts que ses usines rendaient à l'état raffiné. Elle venait tout de suite après Paris et Marseille pour cette industrie dont les produits étaient exportés en Angleterre. Aujourd'hui, Nantes a encore de grandes usines métallurgiques, des fonderies de plomb, de cuivre et de fer, des chantiers de construction de navires, des huileries, des savonneries, des fabriques d'engrais, une manufacture de tabac, des manufactures de conserves alimentaires de toutes sortes. Elle exploite les granites de Chantenay et la carrière de pavés ouverte dans la butte de la Misérie depuis quelques siècles. Mais ces raffineries sont fermées. Le peuple d'ouvriers qu'elles occupaient est allé chercher du travail ailleurs, laissant ses maisons closes. C'est tout un quartier mort, un quartier plus grand qu'un gros bourg. Une industrie perdue d'un côté, le commerce amoindri de l'autre, on conçoit que la richesse de Nantes s'en soit allée. Son port diminue d'importance tous les jours, parce qu'il ne peut recevoir les bateaux d'un fort tonnage. Ceux-ci s'arrêtent à Saint-Nazaire. « Ah oui, Saint-Nazaire !» fit madame Thouvenin. « Il faudra visiter Saint-Nazaire. Ne me laissez pas oublier cela, je vous prie, monsieur Siegfried. » Elle espérait peut-être couper court par cette exclamation et cette recommandation au discours du cocher. Elle ne réussit qu'à leur donner un autre cours. « Oh, ce n'est pas seulement Saint-Nazaire qui a ruiné Nantes !» reprit le zélé cicérone, « c'est la défense de faire le commerce du bois d'ébène. » Il cligna de l'œil d'un air narquois. « Comment cela ? » demanda Siegfried. « Oh, monsieur, c'est bien ce que les armateurs entendaient par du bois d'ébène. S'ils avaient dit de quoi se composait leur cargaison, ils auraient eu des ennuis. Ils déclaraient du bois d'ébène, et quand ils revenaient des Antilles avec le sucre qu'ils avaient eu en échange de leurs nègres, ni vus ni connus, plus moyen de leur chercher chicane. Allez, quand on fait des fortunes comme ça, c'est jamais honnêtement, et ils étaient riches, oui, les armateurs. Dans le pays, quand on dit riche comme un négociant, c'est déjà quelque chose, mais quand on dit riche comme un négociant de la fosse, c'est mieux que si on disait un roi. Les brigands, vendre des hommes sous prétexte qu'ils n'ont pas la peau de la même couleur, et quand ils étaient pincés, à l'eau les nègres, à l'eau pour qu'on ne les trouve pas en visitant le navire, des brigands que je dis. Et il y en avait qui se disaient chrétiens et philanthropes, de drôles de chrétiens qui mettaient les menottes aux noirs en même temps qu'ils leur administraient le baptême, et de beaux philanthropes, ma foi, qui les initiaient aux bienfaits de la civilisation en les vendant comme esclaves. Jolie la civilisation des planteurs, beaucoup de besogne, guerre de nourriture et des coups, en veux-tu, en voilà, tout ça des brigands, pas autre chose que des brigands. Sans la présence de Madame Thouvenin, le brave homme eût sans doute exhalé son indignation en termes plus énergiques. C'est du moins ce qu'un observateur, même superficiel, aurait pu supposer d'après la vigueur des coups de fouet dont il stimulait son cheval en traversant la Gloriette. Il en oublia de signaler l'Hôtel-Dieu et ne s'interrompit qu'à l'entrée du deuxième pont, de peur de faire croire aux agents de ville, si par hasard il s'en trouvait quelques-uns dans ces parages, qu'il avait l'intention de traverser au trot. Après un autre pont, puis un autre et un autre, on en compte 6 en ligne continue. Le dernier et le plus remarquable est celui de Pirmil, qui a 253 mètres de longueur. Revenant sur ses pas, le cocher eut bientôt ramené les voyageurs sur les quais, non loin de l'embouchure de l'Erdre. Une rivière encore en formation, qu'on peut considérer comme un type de cours d'eau préhistorique, devait exciter au plus haut point la curiosité de Siegfried. Il s'engagea à ce sujet dans des explications si adroites que Madame Thouvenin s'écria comme à propos de Saint-Nazaire. « Il faudra voir cela. Ne me laissez pas oublier cette excursion, je vous prie. » Il n'y avait certainement pas à redouter un oubli de ce genre de la part du précepteur. Un fait géologique avait pour lui trop d'importance pour qu'il se privât volontairement de l'observer. Il avait de plus, en cette occasion, un auxiliaire assuré en Emmanuel, dont l'imagination était surexcitée par l'espoir de contempler le château de Barbe Bleue et les 7 arbres funéraires plantés en mémoire des 7 femmes qu'il avait tuées. Car Barbe Bleue appartient à l'histoire autant qu'à la légende. C'était un certain Gilles de Bas, dont les crimes épouvantèrent ses contemporains. Il vivait au 15e siècle et fut, dit-on, puni comme il le méritait. À peine avait-on dépassé le canal de l'Erdre qu'on aperçut la masse imposante du château de Nantes, ce château dont les fortes murailles, les tours, les douves profondes firent dire à Henri IV, lorsqu'il y entra après avoir réduit les ligueurs bretons commandés par le duc de Mercœur, « Ventre Saint-Gris, les ducs de Bretagne n'étaient pas de petits compagnons !» Fondé au 9e siècle, agrandi 100 ans plus tard, il fut entièrement reconstruit en 1466 par le duc François II, père d'Anne, la bonne duchesse, qui fut 2 fois reine de France. Après avoir franchi le pont-levis, Madame Thouvenin s'arrêta, toute surprise de voir devant elle non plus de sévères constructions dans le style du Moyen-Âge, mais un grand logis de la Renaissance. Le gardien, chargé de guider les visiteurs, leur fit monter la belle vis de pierre, après leur avoir fait remarquer en passant le puits dont la margelle de granit est ornée de figures d'animaux. Il leur montra ensuite le bâtiment qu'habitait Louis XII lorsqu'il séjournait dans le duché de sa femme, la reine Anne, et la chapelle dans laquelle ils furent mariés, ou plutôt ce qui en reste, l'explosion de la poudrière en 1800, l'ayant fortement endommagée. Emmanuel savait toute l'histoire du château de Nantes, résidence ducale d'abord, prison d'État plus tard, lorsqu'il appartint au roi de France. Il aurait voulu qu'on lui dît dans quelle chambre était née la duchesse Anne, où avaient été enfermés les prisonniers célèbres, Gilles de Rais, Paul de Gondi, Fouquet, la duchesse de Berry. Tout ce qu'il obtint, ce fut de connaître exactement les détails de l'évasion de Paul de Gondi et de se faire indiquer l'endroit où ce cardinal spirituel et brouillon parvint à franchir la Douve après s'être laissé glisser le long d'une corde du haut de la plus grosse tour. En sortant du château, il fallut s'arrêter à la maison du Guigny. Emmanuel, voulant absolument voir la cachette dans laquelle la duchesse de Berry s'était réfugiée, pour échapper aux gendarmes qui la poursuivaient. On fit jouer devant lui la plaque de la cheminée, il entra dans la cachette, y fit entrer sa mère ainsi que Siegfried et déclara qu'il n'aurait pas attendu qu'on fît du feu pour sortir de là, ne comprenant pas que 4 personnes eussent pu y demeurer enfermées. On visita ensuite la cathédrale, non pour le monument lui-même, lourde construction sans style, mais pour le tombeau de François II et de sa femme Marguerite de Foix. Ce monument, exécuté par un sculpteur breton, Michel Collomb, qui n'a pas laissé d'autres œuvres connues, fut élevé par les soins d'Anne de Bretagne. Le duc et la duchesse, revêtus du manteau ducal, sont couchés, la tête appuyée sur des coussins, les pieds posés sur un lion et un lévrier tenant l'un l'écusson de Bretagne, l'autre les armes de foi. Aux 4 coins, des statues de grandeur naturelle représentent les 4 vertus cardinales, la force, la prudence, la tempérance et la justice. Il est facile de reconnaître dans cette dernière Anne de Bretagne elle-même. Autour du monument, on voit, dans des niches de marbre rouge, les 12 apôtres, Charlemagne, Saint Louis, Saint François, Sainte Marguerite et, au-dessous, 16 figurines dans les différentes attitudes de la méditation et de la douleur. Quand on enleva, pendant la terreur, les cercueils de plomb qui contenaient les restes du duc et de la duchesse pour les fondre et en faire des balles, on trouva, entre les deux, une boîte d'or dans laquelle était enfermé le cœur d'Anne de Bretagne, ce qu'indiquait l'inscription suivante déjà demi-effacée. « En ce petit vaisseau de fine or dur et monde repose un plus grand cœur que onque d'âme eut au monde. » Anne fut le nom d'elle, en France, 2 fois reine, duchesse des Bretons, royale et souveraine. Ce cœur fut si très haut que de la terre aux cieux, sa vertu libérale la croissait mieux et mieux. Mais Dieu en a repris sa partie meilleure, et cette part terrestre en grand deuil nous demeure. 9e jour de janvier 1513. On donna un coup d'œil au tombeau du général de Lamoricière sans s'y arrêter autant qu'il le mérite, simplement parce qu'il est moderne et que les choses modernes attirent généralement peu l'attention des touristes. Puis on se dirigea vers le jardin botanique, en passant par la place Louis XVI et les 2 cours qu'elle sépare, le cours Saint-André et le cours Saint-Pierre. Là, Siegfried jeta un regard plein de désir sur le musée archéologique. Ce fut en vain. Madame Touvenin ne voulut pas y entrer, disant qu'il était tard et que son fils devait être fatigué. Siegfried se rattrapa au jardin botanique. Dès que Madame Touvenin eut trouvé un siège à sa convenance dans la partie disposée pour l'agrément des promeneurs, il s'élança vers les carrés réservés à la science. Il lui fallut pourtant s'arracher à l'examen des plantes intéressantes et parfois rares, auprès desquelles il se serait volontiers oublié jusqu'au soir. En rentrant à l'hôtel, Madame Touvenin s'informa des moyens de faire une excursion sur l'Erdre jusqu'à Niort, ainsi que des heures de départ des bateaux de Saint-Nazaire. Pour l'excursion, il fallait trouver des bateliers et avoir beau temps. Le temps ne dépendait de personne et les bateliers étaient comme tout le monde en promenade. Impossible de rien décider avant le lendemain. Quant au bateau de Saint-Nazaire, celui de 3 heures du soir étant parti, on ne pouvait prendre que celui du matin. « À quelle heure ?» demanda Madame Thouvenin. « À 7 heures. » C'était de bien bonne heure, et puis la grande chaleur faisait craindre un orage, et le trajet par eau de Nantes à Saint-Nazaire était bien long. Qu'en pensait M. Siegfried ? Qu'en disait Emmanuel ? Ils pensaient tous les deux que la promenade sur l'Erdre et la descente de la Loire seraient des plus amusantes. Ils ne le dirent sans doute pas, ou leur opinion eut peu d'influence. Car le premier train qui partit de la gare de la Bourse, après cette délibération, les emporta vers Saint-Nazaire. La ligne court entre le sillon de Bretagne et le cours de la Loire, bordé de chaque côté par des prairies, des terres basses et des marécages. Le précepteur eut bientôt oublié sa déconvenue. Il avait à signaler à chaque pas assez de choses profitables à l'instruction de son élève pour ne plus songer au cours de l'Erdre, coupé de vastes bassins endormis, reliés par d'étroits passages, non plus qu'à l'estuaire de la Loire, à l'entrée du fleuve dans la mer et aux rochers qui rendent le passage si dangereux. La basse Indre, l'île d'Indret et leurs ateliers, où l'on construit les machines à vapeur des vaisseaux de l'État, Couéron et son usine où l'on traite les minerais de plomb argentifère de la Sardaigne, Savenay qui vit périr les derniers Vendéens, vaincus par Kléber et Marceau, lui fournirent amplement la matière d'un entretien intéressant. Le menhir de la vacherie annonça qu'on approchait de Donges, dont les marais apparurent bientôt, gercés par la sécheresse, sillonnés d'étroits et nombreux canaux, bossués d'éminences portant des groupes de maisons isolées, reliés par des chaussées pavées. Ça et là se dressent des croix qui indiquent la direction des chemins. L'hiver, ces marais sont couverts par les eaux de la Loire. On y recueille des sangsues presque aussi estimées que celles des marais de Hongrie. Après cette région morne viennent les Brières, prés tourbeux qui nourrissent de nombreux troupeaux de moutons à la chair savoureuse. Les Brières commencent à Montoire. Elles se divisent en grandes et en petites brières. Siegfried Radieux voguait en pleine préhistoire. Il racontait que la grande brière située au nord-ouest de Montoire couvre l'emplacement d'une vaste forêt renversée à une époque inconnue, mais comparativement moderne, par un terrible ouragan soufflant du sud-ouest au nord-est, ce que démontrent les troncs d'arbres qu'on retrouve en grand nombre dans ce sol marécageux. La prédominance du chêne indique une période géologique peu éloignée, si l'on pouvait dire ainsi, car il s'agissait de milliers d'années, de milliers de siècles peut-être. Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, les voyageurs pour Saint-Nazaire descendent. Cette annonce coupa court à la discussion de la durée des périodes géologiques dans laquelle M. Siegfried, monté sur son dada favori, était sur le point de se lancer. Il se hâta de descendre sur le quai pour offrir une main secourable à la jolie femme et à l'enfant, se chargea complaisamment des menus paquets et s'enquit d'un hôtel. Deux villes bien distinctes composent Saint-Nazaire. La Neuve, groupée autour des docks et des entrepôts, n'offre rien de particulièrement remarquable pour des Parisiens. On la traversa presque tout entière pour gagner l'hôtel et l'on décida qu'elle ne méritait pas d'être parcourue plus en détail. La vieille ville est aussi bientôt vue. Ses maisons noires, assises sur les rochers, se pressent autour d'une toute petite église surmontée d'un énorme clocher pointu qui a l'air d'être en train de l'avaler. Tout l'intérêt de Saint-Nazaire se concentre dans le port. Malgré l'orage qui venait d'éclater, Emmanuel tint à tout voir le soir même, et le port d'échouage réservé aux embarcations des pilotes, et le bassin à flot dans l'anse de Penouette, et le bassin affecté à la marine de l'État, qui est un des plus vastes du monde. et la grande écluse par laquelle il communique avec le bassin à flots. Des navires de tous les pays se balançaient côte à côte, les uns venus de Suède avec un chargement de bois de construction, les autres apportant de la houille d'Angleterre, du guano du Pérou, des rhums des Antilles, des viandes séchées du Chili, des pelleteries, des grains, des bois de l'Amérique du Nord. Puis les petits steamers qui vont à Londres et les grands paquebots transatlantiques de la ligne des Antilles, du Mexique et de Cayenne. L'orage augmentait de violence. Il fallut se décider à rentrer. À la grande contrariété d'Emmanuel qui courut sur le port le lendemain, aussitôt son réveil. Le mauvais temps continuait. Madame Thouvenin avait hâte de s'installer définitivement et de se reposer. On partit donc dans l'après-midi pour le Croisic. La région que traverse le chemin de fer est d'abord entrecoupée de haies d'arbres entre lesquelles apparaissent de nombreux moulins à vent, si nombreux qu'Emmanuel n'en put faire le compte malgré la bonne volonté qu'il mettait à cet amusement. Les moulins disparurent bientôt, ainsi que les arbres. Une longue plaine cultivée leur succéda, puis vinrent les dunes couvertes de bois de pin, d'après la méthode inaugurée par Brémontier dans les Landes. Voici d'abord Pornichet. Madame Thouvenin aperçoit en sous-bois une jolie petite plage de sable fin, un monsieur coiffé d'un casque de liège, entouré d'un voile de gaze blanche, et deux jeunes personnes vêtues de rouge, dont la tournure élégante lui donne à la fois une agréable idée de la station de Pornichet et de grandes espérances au sujet du Croisic. Puis vient Escoublac et au-delà les marais salants dont on a comparé les compartiments à un vaste échiquier. Chaque petite crique de cette côte, formée par le rattachement de plusieurs îles, renferme un port d'où partent tous les jours des barques de pêche. Le Pouliguen a une plage assez fréquentée, dit-on. Un peu plus loin, on voit, au sommet d'une haute dune, une grande église entourée d'un bourg important. C'est Saint-Guénolé et le bourg de Bas. 5 minutes plus tard, on arrive au Croisic. Pas très élégant l'hôtel, malgré les efforts de luxe révélés par le mobilier en pitch-pain et les rideaux en perse à fleurs roses. Madame Thouvenin, horriblement agacée par le voyage, par l'ennui dont elle n'a pu se défendre, aussi bien à Saint-Nazaire qu'à Nantes, par la géologie et la préhistoire dont Siegfried l'a abreuvé tout le long de la route, prend une mince idée des charmes de la station balnéaire où elle pensait rencontrer les plaisirs dont elle ne saurait se passer. Elle a vu peu de monde dehors et il n'y a personne à l'hôtel. Il est vrai que la soirée est déjà avancée, qu'il pleut et qu'il fait grand vent. La jolie femme se résout à suspendre son jugement jusqu'au lendemain. Ses compagnons font grand honneur au souper en causant de leurs projets de promenade. Ils ne ressentent aucune fatigue, c'est tout naturel puisqu'ils se sont amusés. Emmanuel des choses nouvelles qu'il a vues défiler sous ses yeux. Siegfried de l'examen à vol d'oiseau d'une des régions les plus intéressantes de la France par les changements qu'elle a subis. « Tu nous quittes, mère ?» « Oui, mon mignon, je suis épuisée. Et toi, tu n'as donc pas sommeil ?»« Pas encore. Il faut cependant te mettre au lit. Dors bien, mignon chéri. Bonsoir, monsieur Siegfried. » Un petit signe de tête pour répondre au salut du précepteur qui s'est levé respectueusement. Deux baisers tendres en échange de ceux d'Emmanuel et les trois voyageurs se séparent jusqu'au lendemain.